Radiomatic. Pour amorcer la transmission 5-8-2 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter le trio anglais Go Go Penguin. De son troisième album intitulé Man Made Object, paru en 2016, nous écoutions la pièce Smara. L'artiste canadien Rhys Fulber assure maintenant la poursuite d'Audiomatic. Audiomatique, nous venons d'écouter la pièce Worlds Collide de la formation suédoise Covenant. La pièce apparaît sur l'album Modern Ruin, paru en 2011. Avant cela, le projet Theremin Quattro nous offrait son remix de la pièce Clone, originalement composée par le groupe alternatif Huelga de Hambre. La version originale de la pièce Clone apparaît sur l'album de Huelga de Hambre, intitulé Machina y Espíritu, est paru en 1998. Notons au passage que l'artiste José Gallo, qui est derrière le projet électronique Theremin Quattro, est aussi le batteur du groupe Huelga de Hambre. Et pour amorcer la séquence musicale, nous écoutions l'artiste Rhys Fulber et sa composition Nir dafür getan, qui met à profit la voix du chanteur allemand Constantin Unwoll. La pièce apparaît sur la plus récente parution de Rhys Fulber, à savoir l'album Memory Impulse Autonomy. Audiomatique se poursuit maintenant avec la formation australienne King Gizzard and the Lizard Wizard. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic à l'artiste écossais Lomond Campbell. Du mini-album Only a City Apart, sorti en 2013, nous entendions la pièce Hit the Kiss Button. Et pour débuter ce segment musical, il s'agissait de la formation australienne King Gizzard and the Lizard Wizard. Nous vous présentions la pièce Open Water, qui est tirée de son 9e album intitulé Flying Microtonal Banana. Explorations into Microtonal Tuning, Volume 1, lancé en 2017. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du projet Vinterikette. toujours à Audiomatic. Cette séquence musicale d'une seule pièce était l'œuvre du projet Winterkett. La composition que nous avons écoutée, Einstrahlen, apparaît sur le mini-album Eyes We Licht, publié en 2008. En conclusion de cette transmission 582 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le duo américain Revival Season du single pour la chanson Chop, paru en 2023. Nous écouterons la chanson Chop, remixée par le Inner Space Quartet. La transmission 583 sera diffusée mercredi prochain dès 17h avant d'être classée dans nos archives numériques, dont un des clics d'entrée se trouve sur notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Revival Season avec la chanson Chop, Inner Space Quartet Remix. C'était Audiomatic avec les sonoristes. But you might.